les moins jeunes, autant dire nous deux, a pu choisir cette chanson. Qui veut commencer ? Moi. Ah, Kevin, vas-y. Je pense que c'est Charlie. D'accord. Il chantait. Il chantait. Ah, parce qu'il chantait pendant ouais, la... pendant le... D'accord. Alors bon, en même temps, c'est une chanson qu'on entend pas mal à la radio en ce moment. Hein, c'est une chanson actuelle. Non, moi, je verrais plutôt Kevin, en fait. Moi ah bon. Alors pourquoi Bérangère ? Ben écoute, il avait les yeux qui pétillaient en écoutant, là. Et puis j'ai l'impression voilà, qu'il nous dirige vers Charlie pour qu'on l'oublie, en fait. Moi, ouais, fait une stratégie, vous tu croyez. Fais une feinte. Anaïs, tu penses que ça peut être qui ? Bah, je pense que ça soit Kevin. Tu penses que c'est Kevin ? Alors que moi, du coup, ouais, j'hésite entre Charlie et Kevin, parce que les deux, vous étiez quand même vraiment dedans. Tiens, d'ailleurs, c'est en quelle langue cette chanson, avant même de savoir qui chantait ? L'allemand, je crois. Non, c'est de l'anglais, je crois. Oui, c'est de l'anglais, aussi. Anaïs. Ah. Mais, l'allemand, c'est pas comme ça. Ouais, c'est bien de l'anglais. Ça aurait fait allez, moi, je dis que c'est you. Kevin. Oui. C'est toi ? Oui. Ah, alors est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit ? Il s'agit d'Imagine Dragon. Ouais. Bird. D'accord. Le nom de la musique. D'accord. Et puis mon bouclier en fait. Alors pourquoi ce choix musical ? Parce que j'aime bien. Ouais. C'est une musique qui t'inspire quoi ? Moi j'aime bien écouter cette musique, j'aime bien. C'est quoi, ouais. C'est le rythme, c'est parce que bah, un peu le rythme aussi, un rythme un peu lent. Oui. Ouais. Quoi d'autre ? C'est une musique qui est quand même très douce, hein. Oui. C'est plutôt reposant, c'est apaisant, c'est doux. Ouais, on n'a pas envie de sauter dessus, on n'a pas envie de danser comme un fou dessus, mais par contre, effectivement, moi je la trouve relaxante. Je sais pas vous. Ouais, Charlie, vas-y. Et franchement, j'ai vu le clip de la chanson, vraiment, c'est émouvant, hein. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ah oui. C'est allez-y les deux, hein. C'est une. Vas-y, Charles. C'est un clip en dessin animé. C'est une maman et son fils qui ont le pouvoir de voler. Ils ont des ailes. Ouais, Kevin, ils ont des ailes. Le garçon se fait harceler, je crois, je sais plus. Ah, ouais. Anaïs, tu as vu aussi ce clip ? Oui. Ouais. En fait, le garçon se fait harceler ? Oui. En fait, moi je le connais pas du tout. Moi non plus, non. Quand les autres enfants ont vu ses ailes, eh ben ils l'ont harcelé et puis il a fini par ne plus avoir envie de voler. Ouais. Et puis vers la fin du clip, on voit qu'on entend que c'est un peu triste. Et ben en fait le garçon a voulu s'enfuir de chez lui. C'était un temps qu'il y avait de l'orage. Sa mère le suivit et puis sa mère s'est pris un coup de tonnerre. D'accord. Et puis elle est décédée. Voilà. Super. Bienvenue sur RGM, il est 9h36. Ah bah c'est un clip qu'il faudra qu'on regarde ensemble. Faudra qu'on regarde parce que ni Bérangère ni moi l'avons vu. Pour revoir. Mais tu disais quoi, Charlie ? Je t'ai coupé. Franchement, c'est franchement le c'est un clip très joli. Très joli clip, émouvant, c'est ça ? Un peu. Oui. D'accord. Est-ce que du coup vous connaissez en fait la signification des paroles mais en français ? Non. Non ? Je sais que birds en français c'est oiseau. Ouais. D'accord. Quoi ? Donc on est dans le thème quand vous dites voilà, quelqu'un qui vole. Ouais. Ouais, birds c'est oiseau, super. Oui, j'aime bien Imagine Dragon. D'accord. Il y a d'autres morceaux musicaux de ce groupe qui. Oui. Est-ce que tu aimes bien la chanson Whatever It Takes ? Whatever it takes. Ah, c'est aussi Imagine Dragon, c'est le même groupe. Ouais. C'est le même groupe, Charlie ? Oui, c'est le même groupe. Oh, super. Alors, du coup, que ça me dit quelque chose. Oui, parce que c'est aussi un titre lent, enfin apaisant, c'est doux. Il y a aussi comment Thunder Radioactive. Non, ça doit être ça, radio. Radioactive, je crois que c'est un de ses. Ouais, je crois que c'est leur premier succès. Oui. Thunder. Thunder. Il y en a d'autres aussi. Il n'est pas tout ça en tête. Natural, je crois. Ouais, Natural. D'accord.

J'ai déjà entendu une fois ou deux, mais après, oui, je connais. Parce que je vous ai vu un peu tous essayer de voilà, fredonner la chanson. Ouais, ouais. Donc ça vous parle quand même. J'ai déjà entendu. D'accord. On peut dire que c'est une chanson qui fait partie du patrimoine français, que les gens ont déjà entendu, même les jeunes comme vous. Oh, c'est une chanson qui a au moins, je dirais 30-40 ans. 30-40 ans. Moi, je sais la date de sortie. Eh bien, dis-nous. Alors, c'est 1982. 1982. Mon père est né en 1982. Et le titre de la chanson ? Les Corons. D'accord. Bah écoute, Charlie, tu nous impressionnes. Charlie. Impressionnant. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson ? Est-ce qu'elle vous parle ? Moi, je trouve que cette chanson, elle est... J'ai un adjectif qui me vient à l'esprit, régional. Ouais, ouais. Et alors, régional, de quelle région ? Du nord de la France. Ok. Je ne sais pas si vous avez écouté les paroles. Oui. Parce qu'en plus, bon, ce qui est bien, c'est que c'était en français, c'est une chanson à texte. Et effectivement, quand on écoute les paroles, je rejoins Charlie. Qu'est-ce que disent les paroles ? Bah, ça parle un peu de la terre, du ciel, oui. Des hommes, des... Des personnes, quoi, ouais. Un truc comme ça. Parle un peu de la nature. Ouais, surtout de la vie des gens dans le Nord à l'époque des mines, parce qu'on parle des Corons, et en fait, c'était les mines de charbon avant la Seconde Guerre mondiale et puis un petit peu après. Ça explique, comme disait Charlie, ouais, la vie des gens du Nord à cette époque-là. Est-ce que c'était une vie facile ? Non. Je pense. Non, à mon avis, elle était très difficile, la vie à l'époque. En tout cas, dans les paroles, à un moment, il parle de son enfance. Et bien que ce soit dur, apparemment, il avait quand même des bons moments. Il y a quand même de très bons souvenirs. Alors, c'est le choix de qui ? Moi, je pense que ce serait toi, Bérangère. Ah bon ? Oui, c'est moi. Ah bah attends, on a pas... On va tout de suite. Oui, c'est mon choix aujourd'hui. T'aurais dit qui, toi, Anaïs ? J'aurais dit Benoît. Ah, et toi, t'aurais dit qui, Kevin ? Honnêtement ? Bah, musique assez vieille comme ça. Je crois qu'ils sont visés. C'est pas des musiques récentes, donc j'aurais pensé à l'un de vous deux, mais j'aurais plutôt dit Bérangère. Oui, mais en même temps, tu vois, Kevin, t'es sur ma gauche et je t'ai vu fredonner. Je me suis dit, waouh, un jeune là, ado, qui connaît Pierre Bachelet, qui fredonne, ça aurait pu être toi, hein. Ah oui, mais vu comme moi, on m'avait déjà trouvé la chanson. Ah oui, forcément. Oui, donc effectivement, c'est mon choix musical du jour. C'est l'étape régionale, donc... voilà, ça, c'est une chanson qui prend un peu aux tripes et qui nous rappelle, enfin, moi qui me rappelle chez moi. Et donc voilà, j'avais envie de partager aujourd'hui. Et ben, très bon choix en tout cas, c'est une chanson qui donne des frissons. Ouais. Kevin, t'as quelque chose à nous dire ? Oui. Donc, nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent contacter la radio au cours de l'émission pour nous faire partager leur choix musical. Vous pouvez appeler au 03 29 62 40 40. Je répète, 03 29 62 40 40. Alors n'hésitez pas à appeler et à donner votre choix musical. Ouais. Est-ce qu'on part sur la troisième chanson ? Eh ben c'est parti. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête dans ma défaite. Je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Retourne à l'antenne. Ouais, super, Alice. Eh bien, alors, écoutez, c'est un peu comme Pierre Bachelet, on reste quand même dans les années 80. Dans les années de vieux, c'est ça que tu penses? quand je regarde, je fais le tour de table, ben moi, je pense que c'est le choix de Benoît, quoi. Frédéric François. Oui. Vous pensez que c'est mon choix? Est-ce que vous pensez que c'est bien aussi? Oui. Ouais. Charlie, tu penses que c'est moi? Moi, j'aurais peut-être choisi Anaïs. Anaïs, tu penses que c'est qui, toi? Je pense que c'est moi-même. Ah, voilà. Frédéric François, donc tu aimes? Donc c'est toi, Anaïs. Mmh. Alors, pourquoi tu as choisi Frédéric François? Et d'ailleurs, c'est quoi le titre? C'est « Mon cœur te dit, je t'aime ». D'accord. Alors... C'est vrai que ça peut... Alors, tout de suite, hein, les deux garçons m'ont ciblé ainsi que Bérangère, j'ai l'impression, puisque ça restait une chanson des années 80. Mais alors là, ouais, moi, je suis étonné aussi que ça soit toi, Anaïs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Je l'ai pris parce que, en fait, la chanson, elle parle d'amour, en fait. Ouais. Et vu que ma mère, quand elle était jeune, elle écoutait tout le temps cette chanson en boucle. D'accord. Elle te l'a fait partager? Oui. Donc toi aussi, ben, quand tu étais jeune, tu as entendu ce morceau? Ouais. C'est une déclaration d'amour, en fait. Oui. D'accord. Il s'adresse à son amoureuse? Ouais, voilà. D'accord. C'est joli comme chanson, il y a un petit rythme, ouais. C'est quoi, c'est plutôt italien C'est plutôt une chanson un peu italienne en fait. Voilà, musique du sud, oui. Et puis des jolies paroles, ouais. C'est très beau, ce qui est bien c'est que c'est en français donc on peut tous comprendre les paroles, hein. Donc c'est très joli. Très jolie chanson, et donc du coup c'est un hommage pour ta maman, c'est ça? Tu l'as choisi pour ta maman parce qu'elle l'écoutait tout le temps? Oui. Super, super. Les garçons? Ça vous parle? Ça me dit quelque chose. D'accord. Kevin a fait... C'est une chanson qui te plaît ou pas? T'as le droit de... Bah oui, mais c'est parce que j'écoute tout le temps. Ouais, c'est parce que t'écoutes tout le temps. D'accord. En tout cas, c'est une déclaration, en fait. Oui. C'est une chanson qui déclare... voilà, Frédéric François déclare son amour aux femmes. D'accord. Ah, si tout le monde... Est-ce qu'on écoute le choix musical de notre auditeur ou auditrice? Est-ce qu'on l'a en ligne ou pas, non? Alors, on l'a en ligne. Soit on lui parle maintenant et on écoute sa chanson après, soit on passe la chanson et on la prend au téléphone après. C'est comme vous voulez. Je pense qu'on... Est-ce qu'on peut faire les deux? Alors, je la mets à l'antenne. Merci. Vous êtes à l'antenne? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Ah, donc nous avons une auditrice. Chère auditrice, comment vous vous appelez? Nadine. Enchantée Nadine. Oui. Alors, vous vouliez nous faire partager un choix musical. Quel titre avez-vous choisi? J'ai choisi L'envie d'aimer de Daniel Lévy. D'accord. Et pourquoi ce choix musical? Parce que j'adore cette chanson. Et bon, elle rappelle beaucoup de souvenirs. D'accord. Et bon, on a eu l'occasion de la partager à notre mariage avec mon mari. Et voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une signification. C'est des souvenirs et des bons souvenirs. Oui. D'accord. Mmh. Eh ben, on va peut-être écouter votre chanson. Merci. Moi, j'ai presque pensé que c'était ma voisine. Ah bon? Ah! Tu vois, c'est peut-être la voisine de Charlie. Alors, ça, c'est qui? Les 10 commandements. À qui le veut vraiment? C'est tellement rien. Chut, écoutez les paroles. Pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera en fait. Nadine, très belle musique, très bon choix musical de Daniel Lévy. L'envie d'aimer. Ouais. L'envie d'aimer. Nadine. Nadine. Vous nous entendez, Nadine? Allô, Nadine? Ah, alors peut-être que nous avons perdu notre auditrice. Non, non, elle est toujours là. Vous nous... Allô? On l'entend pas. Oui, allô, excusez-moi. Ah, pardon. On pensait vous avoir perdu, Nadine. Ah, non, non, non, je suis là, j'écoute. Je suis fidèle au poste. C'est peut-être l'émotion. Alors, peut-être aussi. Nadine, très belle musique. Très bon choix musical, une musique de Daniel Lévy, l'envie d'aimer. Ouais, super, c'est ça. Mmh. Nadine, vous nous disiez, avant qu'on passe le morceau musical, que c'était un choix que vous aviez pris pour votre mariage. Oui, exactement. Dis donc, ça devait être beaucoup d'émotion, parce qu'en fait, quand on écoute les paroles de la chanson, j'imagine, je vous imagine avec votre époux en robe, ça devait être super joli, en fait, pour votre cérémonie. Oui. D'accord, bon, ben, vas-y. Pour savoir, comme ça, vous nous appelez d'où, Nadine? Plombières-les-Bains. D'accord. La ville au milieu balcon. Oui. Ouais, très bien. Mais quelle culture, Charlie. Merci, Nicole Nappé. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Nadine? Non, que juste que bon, je dis bravo aux jeunes là pour l'émission et puis bon, je vous souhaite une bonne journée. Ah, ils sont. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Nadine. Et puis, merci de votre appel. Merci de l'encouragement pour les jeunes. C'est... À bientôt, merci. Merci, bonne au journée. Revoir. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Eh bien, c'était super, l'auditrice. C'était très joli comme choix musical. Et puis, vous voyez qu'autant pour vous, vous faites vos... On a encore un long temps. Vous faites vos choix, oui, oui. Vous faites vos choix. Et bien, vous voyez, l'auditrice, elle, ouais. Et en plus, c'était vraiment très symbolique. Voilà. Choix musical pour son mariage, c'est quand même c'est assez fort, quoi. Est-ce qu'on écoute le choix suivant? Le choix suivant, oui. Merci. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. trop beau choix musical. Oh, vraiment une belle chanson. Shallow de Lady Gaga. Ah oui. Lady Gaga. C'est la bande originale de A Star Is Born, c'est ça? Oui, exactement, Bérangère. Ça, c'est ma culture cinématographique. Hein. Pourtant, je n'ai pas vu le film. Hein. C'est très joli comme musique, c'est très intense. On sent beaucoup de... On est dans l'échange entre elle et puis Bradley Cooper. Ça vous parle, cette chanson, ou pas? Ah, Anaïs, tu fais non? C'est une chanson que tu connaissais? D'accord. Elle passe quand même sur les radios, sur Radio Gémozo. Elle est passée très souvent sur Énergie. Hein. À la télé aussi, oui. On n'a pas le droit de parler des autres stations. Ils sont en concurrence directe, RGM et Énergie. Oh, c'est pas grave. Excusez-moi, je suis pas vraiment concurrent. Je le pensais pas, désolé. Non, je plaisante. Donc, c'est pas... On les salue. On les salue. Oui, c'est vos confrères. Manu. Non, mais c'est... Kevin, bon. Là, ça te parle pas? Déjà entendu, mais j'ai... Ouais. C'est pas ton choix, c'est pas toi qui écoutes ce type de musique. Oui. Alors, on passe peut-être à votre avis, qui peut avoir choisi cette chanson? Stratégiquement, autour de la table, il nous reste une Charlie personne. Et Benoît. Ouais. Stratégiquement. Roulement de tambour. Moi, je pense que c'est Benoît. Charlie. Moi, Charlie, je pense que c'est toi. Charlie. Ah, moi, je me Kevin prononce pense pas, aussi que... Charlie. Anaïs, tu penses que c'est le choix de qui? Moi, je penserais le choix de Charlie. Ouais. Charlie, est-ce que c'est toi? Eh ben non. Non. C'est Benoît? C'est le choix de qui alors? Eh ben non. Je pense que c'est le choix de peut-être... Eh oui. Non, je pense que... Non. Ah, nous avons un invité mystère. Nous ouais, avons... c'était le mien. Ah, bien joué. Merci de nous faire partager ton choix musical, tes envies. Alors, bah, Marion, tu vas nous dire pourquoi? Parce que j'ai vu le film, je suis allée le voir au cinéma, je l'ai même acheté en DVD. C'est un très beau film sur une très belle histoire d'amour. Alors, je ne vais pas spoiler la fin, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, oui. Ce serait dommage. Mais voilà, très, très beau film de Bradley Cooper, Lady Gaga incroyable dedans, et cette chanson, elle est absolument magnifique. Alors, c'est vrai que du coup, oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui n'ont pas vu le clip, c'est vrai que c'est pas parlant, mais voilà, il faut réécouter la musique en même temps de voir le film, et là, vous comprendriez le pourquoi de la musique, des paroles, ce serait... Il faudrait qu'on partage ça ensemble. Eh ben en tout cas, merci Marion pour ce choix. Mais là, vraiment, je ne me serais pas douté d'une seconde. Eh ben nous non plus, elle nous a eu par surprise. Ah, c'est un peu le but. Ah, elle a été forte. Mais... Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Marion, qui est derrière sa vitre, on l'oublie un petit peu. Ouais. Mais super choix, en tout cas. Merci. Enfin, en tout cas, pendant deux minutes, Benoît s'est dit, non, c'est pas moi, je me suis pas trompé, j'ai fait le bon choix. Et Charlie, c'est vrai que tout de suite, on a vu que c'était pas toi. Est-ce qu'on a... Ben non, ça appelle, mais on a personne au téléphone, on n'entend rien. Mais donc, il reste encore une chanson. Alors, on va écouter... Donc, du coup, on va écouter une autre musique. Et oui, puis, et puis on prendra l'auditeur à l'issue. Allez, soyez attentifs. Pourquoi suis-je né? Pourquoi je vis? Le réveil a sonné, c'est encore aujourd'hui. Pourquoi j'en ai assez? Pourquoi j'en ai envie? Le soleil s'est levé et je suis toujours en vie. Pourquoi faut-il apprendre à écrire, à lire, à compter? Pourquoi dois-je me rendre à tous ces rendez-vous manqués? Pourquoi y a-t-il des choses qu'on oublie dans un courant d'air? Pourquoi quand on mélange le jaune et le bleu, ça fait vert? Pourquoi y a-t-il des murs qui me séparent de mon voisin? Pourquoi Pourquoi ce Picasso alors que je n'y comprends rien? Pourquoi on nous rabâche des choses qu'on n'a pas demandées? Pourquoi on ne peut pas dire tous les mots que l'on a pensés? Pourquoi c'est la même fille à toutes les unes des magazines? Pourquoi ça fait pas bien de mettre un lit dans la cuisine? Veille à sonner, c'est encore aujourd'hui. Pourquoi j'en ai assez, pourquoi j'en ai envie? Le soleil s'est levé et je suis toujours en vie. Pourquoi pleut-il ce soir quand il fait beau à Tripoli? Pourquoi y a-t-il des choses qu'on paie et d'autres qui n'ont pas de prix? Pourquoi le ciel est plein de colombes alors qu'on n'est jamais vraiment en paix? Pourquoi y a-t-il des gens que je connaîtrai jamais au grand jamais? Pourquoi je pleure chaque fois qu'on est au chante avec le temps? Pourquoi je me sens perdu dans un univers si grand? Pourquoi y a-t-il des fleurs, de la solitude, du soleil et des chiens? D'ailleurs, c'est bientôt l'heure que j'aille sortir le mien. Pourquoi Dieu ne vient pas nous dire que tout finira bien? Pourquoi l'enfer pour tous et le paradis pour certains? Pourquoi hier c'était hier et demain on n'en sait rien? Pourquoi Sandrine fait 100 kilos alors qu'elle le vaut bien? Pourquoi les rêves des autres ont toujours l'air tellement plus fort? Pourquoi je t'ai menti quand j'ai dit que je t'aimais encore? Auditeur là? Non, on est en train de parler de la chanson qu'on vient d'écouter. Alors, cette chanson, est-ce que vous voulez qu'on commence par dire un petit peu ce qu'elle vous a provoqué comme émotion? Inspiré, quelle inspiration? Inspiré, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez? Alors moi j'avais jamais entendu ce morceau là. Moi non plus. J'ai bien écouté les paroles. C'était très joli, très doux, un petit peu triste. Enfin, moi ça m'inspire. Enfin, si j'ai un peu le cafard, faut pas que j'écoute ça. Hein. Moi, je connais pas cette chanson du tout. Tu connais D'accord. pas du tout Anaïs? Non. Moi non plus. Moi non plus. Ou bah alors tous les regards convergent vers un seul être. Là, je pense que je crois que je suis grillé. Là, ah ben, là, t'es démasqué. Et ben, c'est moi qui ai pris cette chanson. Ah, d'accord. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, cette chanson, franchement, quel est l'auteur? Qui chante? C'est Thierry Amiel. Ouais. D'accord. La chanson s'appelle 2000 ans sur la terre. Mm-hmm. Et moi, je trouve que il y a plein de questions. Il dit qu'il y a de l'injustice. Oui. Il dit pourquoi il y a plein de colombes alors qu'on n'est jamais vraiment en paix, il dit. Oui. C'est un Thierry Amiel, c'est un... C'est qui Thierry Amiel, ouais. Je crois qu'il a fait une émission de... comment, Nouvelle Star ou soit... Il a bien fait Nouvelle Star. D'accord. Dis donc, c'est une chanson un petit peu engagée, puisqu'il parle de, voilà, des injustices sur la terre. Effectivement, l'image de la colombe, de la paix, alors que, bon, un peu partout dans le monde, y a quand même un peu des conflits. Tu la comprends comment, toi, Charlie, la chanson ? Moi, je la comprends... Je la comprends comme un engagement. Ouais. Mm-hmm. Anna, Kevin, est-ce que les textes vous ont... Est-ce que ça vous parle ? Parle, ouais. Bah, dans sa chanson, oui. On entend que le chanteur, il se pose beaucoup de questions. Oui, il se questionne, oui. Mm. Après, c'est un chanteur assez jeune. Il est peut-être dans cette génération qui s'inquiète sur le devenir de notre planète et de la Terre. Peut-être. Peut-être. Mais très beau texte, hein, c'est... Oui. Très beau choix, Charles. Franchement, j'aime beaucoup cette chanson. Elle mérite d'être plus connue. Ouais. Mais c'est bien parce qu'au moins... C'est ça, voilà. Ouais. C'était son premier album. Est-ce qu'il a fait beaucoup d'albums ? Alors, il en est à son quatrième album. D'accord. Ah oui, donc effectivement. Ok. Anna ? Je crois qu'on a... Il y a quelqu'un au bout du fil, c'est ça ? Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je dis bien le bonjour à tout le monde. Je suis Patricia, donc je suis connue en fait des jeunes et puis aussi de l'équipe qui est avec eux. Alors, je dis bien le bonjour à tout le monde et je vous remercie encore pour vraiment ce moment très touchant qu'on peut partager avec vous sur une antenne radio. Voilà, j'espère que beaucoup de monde vous écoute et voilà, vous méritez à être écouté. Merci. Alors, bonjour Patricia. Bonjour. Moi, la chanson que j'ai choisie, déjà, c'est pas très gay, donc c'est sûr qu'après le Thierry Amiel, il y aurait peut-être mieux valu la compagnie créole. Ou... Oh, carrément. Non, là, ce que j'ai choisi, c'est une chanson de Raphaël, Caravane. Ah, elle est belle. Voilà. Bah, merci Patricia. Après, c'est ton choix, hein, donc c'est bien. Oui. Ah, tu tutoies les auditeurs. Bah, moi, elle me touche beaucoup. J'aime beaucoup Raphaël. Oui. Je trouve qu'on l'entend pas assez. C'est quelqu'un de très discret. Et j'aime beaucoup la partie musicale et puis aussi l'idée de la chanson. Qu'on est tous en fait en chemin et puis que chacun fait à son chemin personnel. Voilà. Enfin, c'est un petit peu une idée du chemin de la vie. Wow. Voilà, écoutez, je vous laisse écouter la chanson et puis je vous dis encore merci et puis bonne continuation. Merci. Merci Patricia. Merci Patricia. On va bien écouter les paroles. Oui, au revoir tout le monde. Au revoir Patricia. Au revoir Patricia. J'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route ? Est-ce que nous sommes proches de la nuit ? Est-ce que ce monde a le vertige ? Est-ce qu'on sera un jour puni ? Est-ce que je rampe comme un enfant ? Est-ce que je n'ai plus de chemise ? C'est le bon Dieu qui nous fait, et c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis né dans cette caravane, et nous partons. t'entends, allez viens. Bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Parce que ma peau est la seule que j'ai. Que bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez viens. Retour à l'antenne. Alors, après, donc, là, c'est donc la chanson de Patricia. Ouais. Qu'est-ce que ça pue. Est-ce que ça vous parle comme chanson? Je connais pas du tout cette chanson. D'accord. Pas du tout. Pardon. Alors, vas-y, Charlie. Franchement, j'aime bien cette chanson. Ouais. Et aussi, il y a une version de Chloé à The Voice 7 France qui a repris cette chanson, qui a eu les quatre coachs retournés. D'accord. D'accord. Ah oui, quand même. D'ailleurs, la finale de The Voice Kids, c'est ce soir. Merci pour l'information. Par rapport au choix musical de Patricia, c'est une chanson qui est plutôt envoûtante. Ouais. Qui est plutôt joyeuse, moi, je dirais. Ouf. Elle est pas quoi ? Elle est joyeuse. Ouais. Moi je la trouve joyeuse aussi. Je dormirais. Je la trouve pas. Tu dormais ? Je dormirais avec cette. Ah, ça t'apaise peut-être. Moi j'ai trouvé envoûtante et j'ai l'impression d'être sur un chemin. C'est comme ce qu'elle nous disait tout à l'heure à l'antenne. On est sur un chemin et on s'engouffre et on suit le chemin et, ouais. Et on sait pas jusqu'où on va aller. C'est ça. C'est dans le sens-là, moi, que je la trouve joyeuse aussi. Dans le sens où, allez, viens, on s'emmène, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Est-ce que Patricia est toujours avec nous ? Non. Non, on la remercie. En tout cas, on la remercie. C'est une très belle chanson. Et quelqu'un, les jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire ? Alors, je crois par contre qu'on a encore une auditrice, mais on a vraiment un succès de dingue. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir à l'antenne ? Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Bonjour. Non. Bonjour, quel est votre prénom ? Je m'appelle Julie. Ingrid. Non. Non, Julie. De quelle commune vous nous appelez ? Du syndicat, dans les Vosges. D'accord, ma commune où j'habite. Ah ben voilà. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors vous souhaitiez nous faire partager quel choix musical ? Alors, j'aimerais bien Vianney, Je m'en vais. Ah, Vianney, Je m'en vais. Est-ce que vous connaissez les jeunes ? Oui. Moi, je connais Vianney. J'aime bien ses chansons comme voilà. Moi, j'adore Le fils à papa chansons. Ou plein de trucs. D'accord. Charlie, c'est une... C'est... Une musique ambulante. Connaît tout le monde. Une musiclopédie. Voilà, je cherchais un terme. Voilà, musiclopédie. Super. Julie, pourquoi vous avez fait ce choix ? Bah, je sais pas, j'aime bien Vianney, j'aime bien sa voix, donc voilà. Eh ben super. D'accord. Si, donc on va tous l'écouter ensemble. Ouais. Ça, la voix de Julie, la voix de l'auditrice me dit quelque chose. Ah bon? Alors, la connais, Julie? C'est Ingrid ou Julie? C'est Julie. C'est Julie. Moi, je connais une Julie qui est vendeuse à une épicerie au centre du syndicat. Julie, vous êtes démasquée? Je crois bien, oui. Je savais que Charlie allait me reconnaître. Oui, oui, il est fort, Charlie. Charlie est très bon, Charlie est très fort. Donc, oui, mais ça n'empêche que j'écoute la radio et du coup, que j'ai voulu participer, donc... Eh ben c'est super gentil, merci beaucoup Julie. Et ben comme mon père va apprendre ça, il va être bouche bée puisque lui aussi il connaît Julie. Tout le monde connaît Julie. Adorable. Tu connais le nom de l'épicerie? La Croisée des Saveurs, il me semble. C'est ça, bravo. On n'a pas le droit de faire de pub, mais bon, voilà. Quand vous passez au syndicat... C'est un commerce du coin, donc ça va. Voilà, vous arrêtez à la Croisée des Saveurs. Merci beaucoup. On écoute votre choix musical. Merci, Julie. Merci Julie. Bonne journée. Merci. Contre des cloques et des flaques, mon sac à dos pour oublier qu'avant, c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine, plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Il tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, ou diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Et ceux qui perlent sur mon front, gouttes de pluie, gouttes de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Je m'en vais. Eh oui, donc on vient d'écouter la chanson de Vianney. Qui était le choix de Julie. Voilà, le choix de Julie. Alors, est-ce que vous connaissiez, vous, les jeunes? Oui. Ouais. Ah, Kevin, non? Non. Charlie? Oui. Bon, Charlie avait déjà bien parlé sur Vianney. C'était quoi déjà le titre? Je m'en vais, je crois. C'est ça, je m'en... Moi, j'ai tourne dans ma tête. Tourne dans ma tête. Je crois que c'est Louane tourne. La chanson Louane. Ah, donnez le titre tourne. Bon, et... Qu'est-ce que vous a inspiré la chanson? J'aime cette chanson, je l'aime. Comment dire? J'adore cette chanson. Ouais. Je l'écoute plus souvent, en fait. D'accord. Pourquoi? Est-ce que c'est la musique que tu aimes ou ce sont les paroles qui te parlent? C'est la musique. D'accord, c'est le rythme, oui. la guitare. Oui. Super. D'accord. En écoutant les paroles, on s'est rendu compte que c'était quoi? Une chanson sur une rupture amoureuse, sur un départ? Rupture. Ou départ, je sais pas. Tu me disais, Charlie, que tu avais vu un clip sur cette chanson? Oui. Et le clip, il évoquait quoi? Je sais pas comment l'expliquer. Ah. Alors, il faudra qu'on le regarde ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un super moment. Mais je crois que... Ouais, on est toutes les bonnes choses. J'ai trop aimé cette émission. T'as vraiment trop aimé cette émission? Ouais. Super. Oui. Charlie, ça t'a plu? Oui, ça m'a beaucoup plu. Kevin? Oui. Alors moi, je remercie vraiment les auditeurs, enfin les auditrices qui nous ont appelés aujourd'hui. Vous avez été des milliers à nous écouter sur Radio Gemozo. Et c'était très intéressant l'échange qu'on a pu avoir. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé cette émission très, très riche. Merci aussi Marion. Oui. Merci Chris pour l'accueil, parce que c'est toujours super sympa de venir à RGM. On reviendra vite. Le 22... Moi, je laisserai bien le mot de la fin aux jeunes ou à Bérangère. Oui. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux auditeurs. Merci à la radio de nous avoir diffusés. Passez une agréable journée en écoutant Radio Gemozo. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.